la micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Me mine le moral. Caliban, mamselle, le son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète, mamselle Jibi me traite d'abruti. Cajibi, la mi-couchou me jette des cailloux. Caoutchou, mamselle Binet, c'est de Binet. Bonjour à tous, on sent bien la radio Guimauzo. C'est Corinne. Alors, c'était où là? Ah, Radio Guimauzo. Tout le monde en pleine forme. Passe, Corinne. Merci Christopher. Eh bien, bonjour à tous. Nous espérons que tout le monde va bien. Ouais. Donc ce matin, nous avons des invités. Donc on va tout de suite faire un petit tour de table. Alors, à ma gauche, qui est là? Timothée, bonjour. Ensuite, Christopher, toujours présent. Juliana, bonjour. PDD, moi. Non, comment tu t'appelles? Zedidi. Zinedine. PDD. Oui, merci Zinedine. PDD. S'il vous plaît. En technique. Qui est en technique? Steven. Voilà. Ça va, Steven? Oui. Oui. Tu es avec qui, Steven? Avec Marc. Marc, eh bien, bonjour à Marc. Oui. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc. Ensuite. Ensuite, Adrien, bonjour. Et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Ce sont les invités. Bonjour, je m'appelle Camille. Camille, voilà. Oui, Christopher. Bah, c'était de la présenter. C'est Corinne, je pense que tout le monde le sait. Hein? Voilà, c'est bien. Voilà. Donc nous avons deux invités aujourd'hui qui sont. Tu peux dire ton prénom? Nicolas. Oui, et un... Et Adrien. Et Adrien. Eh bien, bienvenue à tous les deux. Je parle dans le micro. Et puis aussi, on est deux invités. Oui. À venir à la radio Guimauzo. Voilà, oui. Bien, Nicolas. Oui, oui, oui. Oui. Alors. Oui, Timothée. Parce que Nicolas, la dernière fois, il avait appelé. Voilà, il a gagné sa son place. Mystère. Oh, j'avais appelé même pour son mystère. Ouais. Il a gagné sa de place. De Steven. Et là, la nouvelle chanson mystère. J'avais appelé même pour la chanson mystère. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles, c'était qui? Corinne. C'était non, moi qui chantais? Non. Je sais plus. C'était Pink Floyd. Pink Floyd. Voilà, oui. Donc, alors, nous avions une chanson mystère la semaine dernière. C'était qui? Johnny? Donnez l'idée. Moi, je sais. Corinne. Oui. Corinne, je sais que c'est la chanson mystère. C'était la chanson de Camille, la chanson mystère. Oui. C'était Johnny Hallyday. Chanter. C'est ça, Corinne? Oui. Non, c'était une chanson, enfin une musique choisie par Christopher. Oui, c'était pas celle-là en fait. Le panda qui danse. Voilà. Et en plus, c'était pas ça. Donc, le panda qui danse. Le panda. C'était pas celle-là. Oui. Mais c'était le panda. Corinne, j'étais un peu trompé. Alors, Christopher, tu me donnes un titre, un panda qui danse. Tu sais, tu vas sur Internet, il y en a, des pandas qui dansent. Mais c'était pas ça. Mais le titre, de toute façon, c'était pas ça. Apparemment, tu m'avais pas donné le bon titre. Oh mince.

Ah bah oui, on crie pas à la radio, oui. Ne pas couper la parole. Ah, ça c'est important aussi. Zinedine, tu connais une règle? Oui, Nicolas. Elle ne pas dire de gros mots. Ah bah ça c'est important aussi. Ne pas faire de doigts. Et ne pas se moquer. Ne pas se moquer, oui, elle l'a dit. Et puis? Pas de coup de pied. Et ne pas respecter les gens. Les gens et? Les techniciens. Bah oui, les gens. Et le monde qui a la technique ici. Oui. Et le matériel. Oui. Les micros. Les casques. On tripote pas les fils parce que ça peut les abîmer. Non mais c'est pas risible, hein. C'est important. C'est pas moi qui tripote des fils. Alors, est-ce que tu te rappelleras, Nicolas? Oui. Voilà. Donc pour venir à la radio, faut déjà respecter tout ça. Oui. C'est bien compris alors? Oui. Bah, Juliana. Respire, Juju. Allez, on va commencer par le premier thème. Un thème qui est récurrent d'ailleurs. Non. Fait déjà plusieurs semaines qu'on entend parler, mais bon. Les gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? Pas tout le monde en même temps. Qui commence ces premières infos? Juliana. Les gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qui se passe encore avec les gilets jaunes? À Paris, ils ont brûlé les voitures. C'était quand ça, Juliana? J'ai regardé samedi. Oui. Tu peux poser tes clés. Des violences graves. Tu peux poser tes clés. Dans Paris, un CRS a été blessé. Un CRS a été blessé. C'est quoi le nom? 110 blessés. 110 blessés. Oui, peut-être un peu plus même. Hein. Et les CRS, ils ont lancé des canons à eau pour les arrêter. Et aussi... Du gaz. Ils ont arrêté aussi des... Fumigène. Fumigène. T'as ça dans la tête, t'as mal. Tu peux parler dans le micro, Juliana? Parce qu'on t'entendra ils pas. Ils ont aussi saccagé des immeubles, 6. Et son épreuve à une petite école maternelle. Alors, qui c'est qui a cassé? Les casseurs. Ouais, les casseurs. Les voleurs, les casseurs. Il y a eu des vols? Ouais, j'ai vu à tous les... Même voler des sous, des puzzles de Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe, ils ont volé des puzzles. Ils étaient déchaînés, les casseurs, parce que les CRS, ils lâchaient pas. Ils étaient déchaînés. Ils ont même pris des pelles d'irato. Ils ont même pris, tu sais, comment ça s'appelle, c'est, ça pousse, c'est un gros truc. Et qu'on voit sur les sentiers de travaux, là. Les bulldozers? Ouais. Alors, pour quoi faire? Pour casser les barrières. C'était des décennies, ben, c'est des bombes partout là. Nicolas, est-ce que tu as un commentaire, toi? Non. Non? Tu n'as pas vu aux infos? Si, hier. Oui, hier, j'ai regardé. Ah bah hier, voilà, donc ça a peut-être changé depuis samedi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis samedi? Non, c'est Nicolas. Ils ont brûlé les voitures. Qui? Ben, les gilets jaunes. Non, c'est les casseurs. C'est bien de préciser. C'est les casseurs. C'est pas les illusions, c'est les casseurs. Du coup, c'est même une boutique. Mais ça, hier? Non. Samedi? Non, moi, je parle de hier. Hier, mais bon, pas qui? Ah, c'était les collégiens, ça. C'était samedi. Samedi, oui. Mais hier, tu as regardé les infos. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Que les lycéens, ils ont brûlé leur lycée. Ils ont fait grève. Ils ont manifesté. Les lycéens ont manifesté. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont brûlé leur lycée. Non, mais pourquoi ils ont manifesté, Nicolas? Pas de commentaire, s'il vous plaît. J'aimerais que ce soit Nicolas. C'est Macron. Non. Non, c'était pas ça. Pourquoi ils ont manifesté? Est-ce que quelqu'un sait? Les lycéens, on parle. Non. Les lycéens, je sais pourquoi. Est-ce que ça coûte trop cher d'essayer les universités, tout ça? Les droits d'entrée à l'université, les augmentations. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait grève. Ils ont même cassé une boutique. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? C'est pas bien ce qu'ils font. Et attends, là, même. T'as pas encore entendu la suite, là. Même les pollueurs qui vont faire aussi. Quoi? Ah, Christopher, il dit on n'a pas entendu la suite. Alors, ouais, donne-nous la suite. Faire. Les poids lourds, ils vont faire grève? Oui, dimanche soir. Dimanche soir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bloquer les routes. Ils vont bloquer les routes. Oui. T'as dit ça aux infos. Ils ont même dit, le gouvernement a dit, ceux qui sont les plus gentils, c'est les gilets jaunes. Les casseurs, ils ne mettent pas des casseurs. Les gilets jaunes, ceux qui ne vont pas casser. Ah, le gouvernement a dit que les gilets jaunes se mélangent pas avec les casseurs. Et ça va recommencer même samedi. Alors samedi, ça recommence. Alors c'est l'acte combien, ça? 4. L'acte 4. Voir, ça va encore casser. Christopher, il et a l'air résolu. Ma maman, elle m'a dit... Oui. Et des camions de casser. Il y a eu un camion de casser. Oui, de casser maison. Casser les maisons. Oui. T'as regardé les infos alors, oui, Zinedine? Des tirs. Oui, Juliana. Ma maman, elle m'a dit, ils feront pas Saint-Nicolas à Paris. Oh. Ils feront pas Saint-Nicolas à Paris. Non, ils feront pas vu qu'il y a les casseurs. Tu peux faire la semaine. Ils ont peur. Ouais. Non, ça va casser le char, les pauvres. C'est leur cassé. Ça me dit, on entend bien tâtonner parce que ça va barder. Ouais, ça va faire. C'est comme un film d'action à la télé, les gilets jaunes. C'est comme un film d'action, un film de policier. Bon, alors c'est bon, les gilets jaunes. Oui, promis. Oui. C'est bon. Steven, tu veux dire quelque chose? C'est pas bien que les casseurs cassent. Bah oui. Alors que ça détruit la ville. Et après faut payer pour construire. C'est la crème. Alors qui c'est qui se plaint de la casse? Le président. Le président, il se plaint de la casse? Oui. Oui, il a dit ça coûte. Ils n'arrêtent pas de casser tout. Les commerçants, peut-être aussi. Oui, plutôt, il y a un gilet jaune qui parlait. En disant que c'est admissible, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, Zinedine. Vas-y, dis. Oui, c'est bon. Des bombes. Ça a explosé. Oui. Oh. Des dynamos. Alors, le message dit à des fonds. C'est wawa. C'est moi en roi. C'est quoi, je... Tu avais peur, Zinedine? Oh. Est-ce que les images que vous avez vues à la télévision vous faisaient peur? Je n'ai pas trop regardé, moi. Pas trop regardé. Un peu, hein, parce que. Un comment, peu aussi, comme je comment ils brûlaient les voitures. C'était violent, puis quand même. Quand les CRS les a poussés, ils recommençaient encore. Ils les repoussaient aussi. Les casseurs, ils poussaient les CRS. Non, ça, c'est des bruits de tir, des trucs pour me lancer des grenades. Vous avez des bruits comme ça, bam, bam. Ça fait des boum. Et du coup, Paris, la ville qu'elle a, elle est plus belle, la ville. Mmh. La ville de Paris Ils ont même fait des tags. Oh, à mon avis, c'est nettoyé, là, déjà, aujourd'hui. Hein. Oui, c'est toujours nettoyé. Oui. Allez, Corinne, si tu vas à Paris, proteste les yeux. Pali. J'y penserai, Christopher. Pali. C'est loin, Paris. Moi, je dis à tous les Parisiens de rester chez eux. C'est loin, Paris. Oh. Oui. Oh, 3 heures, t'es à Paris. 3 heures de voiture. J'ai dit à ça maman. Ça va vite maintenant, tu sais. Si ils peuvent pas faire Saint-Nicolas, qu'ils viennent à Armiramont ou à Épinal, ils vont faire Saint-Nicolas, les Parisiens. Non. Tu crois que les Parisiens ils vont venir à Épinal ou à Armiramont? Bah oui, pour faire le Saint-Nicolas, s'ils peuvent pas, ceux qui ont des enfants, des petits-enfants. Juliana, si on est en 2018, maintenant on peut acheter des bonbons, ils sont contents les enfants. Oui. On va parler. D'ailleurs, on peut se passer de Saint-Nicolas, tu veux dire? Bah oui, on peut s'acheter des bonbons, c'est bon, c'est réglé. Bah ça c'est ton avis, hein? Bon allez, on laisse passer les gilets jaunes. Hein, vous suivrez l'affaire et puis vous nous direz un petit peu... Oui, mercredi. Hein, on prendra des photos, Corinne. Non, parce que la semaine prochaine, c'est spécial Noël. Donc, on ne parle pas des gilets jaunes. On en reparlera peut-être à la rentrée. Ouais. D'accord. Bon. Alors, deuxième sujet. Qui l'avait apporté? Moi, j'ai porté sur le sida. Christopher nous a parlé du sida. Alors. Merci, Corinne. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu l'attrapes quand tu fais le truc. Tu l'attrapes quand tu fais le truc. Je te dis pas parce que j'ai pas envie d'avoir la tête en carré à rentrer en IME. T'as pas envie de... D'avoir la tête en carré quand je rentrais en IME. Pourquoi la tête au carré? Si monsieur Ballon il écoute. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, Christopher. Non, moi j'ai pas envie d'avoir la tête en carré. Alors les autres, par exemple Zinedine, au lieu de te moquer, est-ce que tu sais ce que c'est que le sida? Non. Alors ce serait bien que tu écoutes Christopher. C'est quand tu fais... Attends, Zinedine, j'ai envie de couper la parole, s'il te plaît. C'est une maladie qui est sexuellement transmissible. Possible. Voilà. Il faut bien se protéger. Et la semaine dernière, c'est vrai qu'ils en parlaient. À la radio. Oui, donc tu as souhaité en parler. Oui. Oui, et puis, qu'est-ce que tu pouvais nous dire d'autre? Il faut se protéger, voilà. Il faut se protéger, oui, le slogan. Et faire gaffe, voilà. Faire gaffe. Et je t'avais demandé aussi, est-ce que tu sais si aujourd'hui on en guérit? Non, on en meurt. On en meurt. Mais, alors je t'ai demandé aussi, est-ce qu'il y a des traitements? Non. Si, oui. Oui, il y a des traitements. Ça repousse la maladie, oui. Mais ça ne te guérit pas. Voilà, il y a des traitements qui freinent la maladie. Mais jusqu'alors, on n'en guérit pas. Si, j'ai crevé, moi. Toi, t'es guéri. Tu l'as eu, toi? Ouais. Moi, comment tu l'as eu, Zinedine? C'est non. C'est cassé. Cassé? Elle a pété, ça. C'est-à-dire qu'ils ont cassé les voitures? Ah, le petit. Du petit. Du petit. Wow. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Christopher par rapport au sida? Ah non, est-ce que... Je ne m'aggrave pas le cas. Je sais. Et si les enfants l'ont, ils peuvent aussi mourir, les petits-enfants? Non, les enfants, ça ne se donne pas comme ça, le sida. Bah, si, Christopher. Une femme qui est enceinte et qui a le sida, son bébé. Oh, mince. Ce bébé, il meurt. Oh là là, sida. Ah oui. Donc, tout ce que tu as dit, c'est important, Christopher. Oui, oui. Il faut se protéger. Il faut tous faire le test de voir si tu as le sida ou pas. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui en meurent. Oui. C'est bien. Oh. Bonne intervention. Oh, il est dans le monde. Qu'est-ce que tu dis, Zinedine? Déjà. Rien. Ok. Zinedine n'est pas derrière. Une fois, je m'en rappelle. Timothée, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport au sida? Non, j'ai rien. Je sais, moi. Non, t'as rien. Bah, c'est sur ça. Une fois, mon cousin, il a eu un téléphone et c'était quelqu'un en disant que ma cousine avait le sida, que c'était même pas vrai. C'est mon sang, ça. Ah, tu sais, les rumeurs, des fois, hein. Ouais. Ça fait du mal. Hein. Ça va vite. Du coup, mon cousin, il est hacké. Dans les petits villages, ça va vite, les rumeurs. Ouais. Comme dans ton pays. C'est pas un pays là où il habite, hein, c'est une ville. Avec toi, ta ville? Ouais, les rumeurs, ça va vite. Dans ta ville? Oui, ça va vite. Allez, on clôture avec le sida et on fait la première pause avec la chanson de Zinedine. Ah ouais? Oui. C'est celle que tu as choisie, Zinedine. Hein? Oui. Allez, on l'écoute. Things gonna be alright. Things gonna be. your city runs into my dreams. Darling, I look about the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love, I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy, I just really wanna move on. Things gonna be là. Donc on a oublié aussi de dire que le site d'action est aussi en recherche de dons. D'accord. Pour quoi faire? Pour faire la recherche médicale. Pour quoi faire? La recherche médicale. La recherche, ouais, pour la recherche. Médicale. Alors à la fin de l'année, il y a beaucoup d'organismes qui font des appels à dons. Restaure du cœur. Qui? Restaure du cœur. Oui, mais qui encore? La Croix-Rouge, oui, la pour Croix-Rouge. Les vêtements. Oui, pas que les vêtements, je pense. La nourriture, oui. Les habits, les bijoux. Mon Dieu! Les habits, les bijoux, hein, les collecteurs de bijoux. Non, non, si. Pour le sang. Collecte du sang? Oui. En fait, c'est quoi un test d'ADN? Hein? Bon, ça, c'est de la génétique. Que j'ai regardé un film et parlé de ça. Ouais. C'est quoi de ça? Vas-y, moi, que les, moi, des petits. Bah alors, si je me trompe pas, il me semble que l'ADN est différent. Chaque être humain a un ADN différent. Si je me trompe pas. Ou Marc. Positif. Du coup, si. Il semble, hein. Du coup, toi, si ton ADN. Oui, c'est ça, oui, mais bon, on a les génomes communs et après, il y a une petite différenciation qui est minime. Voilà. Du coup, toi, si ton ADN, c'est pas pareil qu'Adrien. Ah bah non. Non. Ni le tien, ni de Marc, ni de Steven. Voilà. Ni de Timothée. C'est pour ça que maintenant, dans les enquêtes. Ils arrivent plus facilement à retrouver des personnes grâce à l'ADN. À nos empreintes. Ah bah les empreintes, c'est différent que l'ADN. Les empreintes. À des poussières. Bon, parler des dons, là. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un don à la radio. Combien? 1000 euros? Ah bah, autant que tu veux. Hein. C'est quoi un don? Donner des sous. C'est donner de l'argent généreux. Généreusement, pardon, je ne trouvais plus mon mot, à une association, à un organisme, ça peut être d'utilité publique. Mais il n'y a pas d'autre association ici. Si, bah, la radio, c'est une association. Marc, il y a des jeunes sous Marc. Ah oui. Marc a besoin de pour la radio, sur la radio risque de couler. Non, pour toi. On n'a pas parlé de ça, Christopher. En général, quand on fait des dons, c'est pour aider. Aider la radio. Bah, radio ou d'autres organismes. Mais là, vous voyez, on vient à la radio. Si y a des personnes qui veulent faire des dons, en plus c'est déductible des impôts à 66%. Donc c'est bien pour les gens qui payent des impôts. Mais pourquoi les parents ils payent pas à la radio? Pourquoi les parents ils payent pas à la radio? Parce que c'est l'IME qui paye une cotisation mensuelle à la radio pour qu'on puisse venir. Après, vos parents qui souhaitent faire un don à la radio, ils le peuvent, hein, mm-hmm. pour soutenir oui. la radio, pour que vous puissiez continuer à y aller. Parce que tous les organismes-là, ils ont de moins en moins de... Des dations. Pour les aides. Zazo des subventions et tout. Zazo des besoins. Voilà, de l'argent. Ouais, d'accord, Zazo. Non, je vais pas me poser, tu sais quoi, les impôts. Qu'est-ce qu'elle dit C'est quoi les impôts? C'est les taxes. Tu payes, ton président, il qui perd des sous. Et voilà. Les impôts bah, sur le revenu. Quand tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent, tu peux payer des impôts. Demandera à sa maman, elle t'expliquera. Tu voudras même sa fille de sa facture. Je la ramènerai pour te la montre. Je vais la montrer. Wow, ça ravit de sa voix, la facture. Quand on sera riche, on est riche dans ma famille. C'est bien d'être riche. Ouais. Mais pas trop des fois. Non, j'ai de gagner plein d'argent. J'ai une question, Adrien. Si t'étais riche, t'aimerais bien avoir plus de sous? Si t'étais riche, t'aimerais avoir plus de sous? Bah, je pense que la richesse ne fait pas tout, moi. Voilà. Et caution. Il a raison, Adrien. Hey, quand t'es riche, tu peux t'acheter une belle voiture. Bah, pas forcément quand t'es riche. Hein. Tu remboîtes toute la nuit. Est-ce que tu es plus heureux d'avoir une grosse voiture? Non. Bah non, que tu payes tu payes beaucoup plus ça qu'une voiture. Un gros camion. Grand... Ferrari, tu payes plus une Ferrari. Avoir un château. Oui, bon allez, c'est bien de rêver là. Avoir bon. Une femme de ménage. Un château. Ouais. Je rêve d'avoir un château. Un château. Absolument. Bon, on peut continuer? Oui. Alors moi j'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance avec Nicolas. Alors, qu'est-ce que vous pourriez poser, alors chacun son tour, oups, comme question à Nicolas? Vas-y, Zinedine. Tu es prêt, Nicolas? Ouais, prêt. C'est ce gant. C'est ce gant. Gaul. Oui. Ah, est-ce que tu es Gaul? Oui, je suis Gaul, Zinedine. D'accord. Oui, pardon. Bon, ça y est, t'as dit oui. D'accord. Chacun son tour. Juliana. Il aime quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Réfléchis, Nicolas, prends ton temps. J'ai du sport. Tu aimes le sport. Voilà, il aime... Oui. Est-ce que tu aimes bien manger du gras ou pas gras? Est-ce que tu aimes manger gras? Non. Non. Alors t'aimes pas les hamburgers alors? Si, j'aime bien. T'aimes pas la tartiflette, la raclette? Non. Les saucisses, les steaks? Les frites pas? Si. Si. Ah, du gras dedans. T'aimes pas aussi des boulettes alors? Si, j'aime bien. Des pâtes? Alors Christopher, c'est quoi le pas gras? Les légumes. Les carottes, les patates. Les carottes. Ouais, t'as pas de gras dedans. Hein. Bah non, non. Mais quoi d'autre? Des poires. T'as pas de gras dedans. Les fruits, oui. Oui. Les épinards. Les légumes. Un poirier. Un poirier. C'est quoi ça? C'est un arbre, ça. Hein. Alors, donc, tu aimes gras, pas gras? Le gras. Il aime le gras, voilà. Timothée, est-ce que tu as une question pour Nicolas? Non, mais j'ai une question pour... Adrien. Adrien. Non, là, on en est à Nicolas. Ah. Voilà. Alors, as-tu une question? Que fais-tu chez toi? Voilà, quand tu es pas à Liéma, Nicolas, tu fais quoi? Je joue dans ma chambre. Tu joues dans ta chambre? Tu joues tout seul? Oui. Oh, tes sœurs, non? Non. Ah, non. Non. Non. Tu es un solitaire. Ah oui. Bah oui. Une galope. Ah. Une galope de la forêt. Camille, tu as une question pour Nicolas? Vas-y. Je suis perdu. Vas-y, ce que tu veux. Mais je sais pas, mon copain. Steven, tu as peut-être une question. Est-ce que t'es ta maman? Ah! Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui. Vas-y. On t'écoute. Non, je n'aide pas. Non, je n'aide pas ma maman. Tu as l'air fière de dire ça. Ah non! T'es comme ça? Là, je suis content. Je reste dans mon lit, tranquille, maman fait ménage. Tu n'aides pas ta maman parce que ta maman veut pas ou c'est toi qui ne veux pas l'aider? Parce que je veux pas. Tu veux pas? Tu veux pas. Ah, tu n'aimes pas passer à l'aspirateur, fais les carreaux. Non. Moi, je fais l'aspirateur le dimanche. Non, on parle pas de toi, là, on parle à Nicolas. Moi aussi. Aspirateur. Donc, même ta chambre, non, c'est maman qui fait. Non, c'est moi qui fais, du coup. Ah. Ah, tu vois. Juliana, tu peux te redresser. Merci. Alors, Timothée, il a une autre question. Vas-y. Moi, j'aide papa. Non, on parle pas de toi. On pose des questions de Timothée. On parle de Nicolas, pardon. Ding. Attends, c'est à Timothée. Ding. Je sais pas. Ok, bah tu repasses le micro. Est-ce que t'aimes ta mère à faire à manger? Non. Est-ce que tu veux pas ou... Je veux pas. Tu fais pas. Voilà. Ça t'intéresse pas? Non. De faire chauffer, retourner... Oui, bon, on a compris, Christopher. Oui, Zinedine. Attends. Tu réfléchis? Oui. Si je fais ça ballon. Tu joues au ballon? Ouais. Au ballon. Bah oui, je joue au ballon. Ouais, il t'a demandé si tu joues au ballon. Mais c'est quoi? Si tu joues au ballon. Est-ce que tu joues au ballon ou au foot? Bah oui, au foot. Voilà. Camille, tu as retrouvé une question? Non. Non. Juliana, vas-y. Passes-tu la tonzeuse? Non. Est-ce que t'es une amoureuse? Ah Zinedine. Et c'est un beau petit bisou, d'abord. Bisou, amour. Oui, ben, on a compris ce que ça voulait dire, Zinedine. Gros. Est-ce que t'aimes bien jouer avec tes sœurs? Non. Non. Est-ce que t'aimes bien le foot? Oui. Quoi d'autre? Vous avez plus d'autres questions? Non. Attends, je réfléchis. Moi, j'ai plus rien. Non, j'ai pas d'autres. Okay. Donc, toi, t'en as plus? Non. Alors après, on était parti sur les loisirs de Nicolas. Et Nicolas fait partie, à Saint-Étienne, du foot. Du club de foot à Saint-Étienne. Ah oui, comment? Voilà. Donc, Nicolas est un connaisseur en foot, hein? Alors, tu fais partie, et je crois qu'Adrien il va m'aider, parce que moi, le foot, je ne connais pas grand-chose. Alors, tu fais partie de quel... je sais pas, c'est des niveaux, c'est des... Des catégories d'âge. Ah, ok. Donc, quelle catégorie, Nicolas? En E15. U15. Ah, 15. Donc, ça veut dire quoi, U15? C'est quelle tranche d'âge? Grand. C'est 13. C'est une catégorie d'âge inférieure aux enfants qui ont moins de 15 ans. Entre 13 et 15 ans. Ah, d'accord. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Gardien. T'es goal. Mais tu joues aussi sur le terrain. Non. Je joue pas sur le terrain, moi. Je suis gardien et j'ai les buts. Je croyais que tu faisais les deux. Non. Non. Bref, on en reparlera. Hein. Ah oui. Alors. C'est tiroir de balle. Oui, joue au foot. Alors, tu vas combien de fois par semaine t'entraîner? J'y vais les lundi, mardi, mercredi. 3 jours de suite? Oui. Ça dure combien de temps les entraînements? Tu vas à quelle heure? Pour partir. Oui, quand tu pars, il est quelle heure? 5h45, dit que je pars. 5h45, oui. Puis tu reviens à quelle heure? Quand tu rentres chez toi, il est quelle heure? 5 ans, je crois. Oui, mais quelle heure? 6h50, 7h50? Ça dure en moyenne 2 heures, non, les entraînements? Oui, 1h30, 2 heures, je pense. Oui, bah dis donc. Ouais. C'est sportif, ça, hein, 3 jours de suite. Ouais. Hein? Puis alors, ça se passe bien, Gaul? Oui. Ouais. T'arrives à attraper tous les ballons qui arrivent? Oui. Oui? Donc ça, ça te plaît? Oui, j'ai une nappe, moi. Et tu as dit que tu avais une tenue spéciale, hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme tenue, les Gaules? Des gants. Des gants, oui. Et puis quoi? Des trucs. Pas se faire mal. Nama. Gants. Nama. Oui. Il y a un pantalon. Pantalon? Oui. Il est épais, le pantalon? Oui. Oui. Est-ce qu'ils mettent un casque, les Gaules? Non, pas de casque. Non. Quoi? Eh, t'es que des ballons? Bah, c'est une question que je pose, moi j'en sais rien, mais des fois qu'il y a des tirs au but et tout, que le ballon il te boum, t'arrive sur la tête là. Bon, oui. Non, ça n'arrive pas, ça. Non. Corinne? Oui. Ils font pas du roller, hein, des Gaules? Ah, pour le casque. Roller. Bah non, ils font pas du roller, mais ça peut être dangereux quand même, non, d'être Gaul. Non. Ah non, c'est pas dangereux. Timothée, n'a jamais mis un casque. Un casque. C'est moi, c'est Napa, Didi. Et puis, tu sais, quand le ballon, il arrive, est-ce que ça t'arrive de le faire repartir avec la tête? Non. Non. C'est pas comme les joueurs. Est-ce que tu as peur quand tu vois le ballon qui arrive vers toi? Non. Non. Et est-ce que ça fait mal quand le ballon... Non. J'ai toujours eu l'impression que ça faisait mal, moi, non? Poum. Ça dépend où on le prend. Ouais. Oui, c'est noté, c'est moi. Oui. Donc après, on a parlé de la composition de l'équipe. Ouais, alors, moi, Nicolas, je n'y connaissais rien. Donc, je suis allée, enfin, deux, trois trucs, mais pas grand chose. Donc, je suis allée sur Internet un peu regarder. Et je pense que là aussi, Adrien va nous aider. Donc, je t'ai demandé combien il y avait de joueurs dans une équipe. 14. Non, 11. 11, voilà. Alors, est-ce que tu. Il y a des remplaçants aussi. Ouais, il y en a combien? 14. Trois qui peuvent rentrer dans le match. Trois. Ok. Alors, donc, toi, tu es Gaul. Mais est-ce que tu connais les autres postes? Attaquant. Il y a les attaquants. Milieu et défenseur. Milieu, défenseur. Il n'y a pas les arrières aussi? Si. Ouais. Arrière, défenseur, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Puis alors, sur Internet, moi, j'ai vu le stoppeur et le libéro. Alors, ça veut dire quoi, ça? Défenseurs. C'est des défenseurs. Mmh. Ah bah, tu vois, j'ai appris quelque chose. Hein, parce que ça, je savais pas. Hein. Oui, t'as dit, moi. Toi, tu savais? Moi. T'es ton. C'est tout. Ouais. Puis alors, depuis que tu as commencé le foot, là, tu as toujours été Gaul. T'as jamais joué sur le terrain? Si. Si? Alors, tu étais quoi quand tu étais sur le terrain? J'étais milieu. Milieu. Okay. C'est quoi en fait milieu? C'est ce que j'allais te dire. C'est vous le bas. Nicolas, tu peux répondre à Juliana? C'est quoi milieu? Je Je sais pas. Aucun. Bah, Adrien, tu peux l'aider, s'il te plaît? Ouais, Naka. C'est quand tu joues entre les défenseurs et les attaquants. Oui, Naka d'Ago. Alors, est-ce que tu comprends mieux? Oui, oui. Après, je pense que c'est pas simple, qu'il faudrait un croquis. Pour leur expliquer un dessin, pour vous montrer où sont les attaquants, où sont les défenseurs. Un croquis. Oui. Ouais, c'est n'importe quoi, moi. Non, pas le Dédé. Donc, c'est bon, là, pour l'équipe? Oui. Moi, Dédé, j'ai pas compris. Et puis, alors, est-ce que tu as déjà fait des matchs avec... Non. Non? Alors, ça, c'est pas prévu? C'est pas prévu d'aller faire des matchs... Non. C'est que des entraînements. Bah, samedi, il avait un match. Ah. Contre le Toulis, c'était à Béchamp, je pouvais pas. Parce qu'on faisait mon anniversaire. Ah bah oui. Dégueulé. Et bientôt, tu vas pouvoir faire des matchs, là. Oui. Ouais, des nabas, moi. Quoi? Bah oui, samedi, t'as fait ton anniversaire, en plus, hein. T'as eu quel âge? 13. 13 ans. Ouais. Et alors, ce week-end, là, par exemple, tu vas pas faire un match? Non. Non, c'est pas prévu. Non. Il y a peut-être moins de matchs l'hiver, non? Ouais, il y a une trêve hivernale. Ah, c'est ça. Quand c'est du mauvais temps, les matchs sont reportés. Ouais, des moins de voix, moi. Des parce voix que les ballons. Matchs, ils ont toujours lieu dehors, de toute façon. Oui, si, des voix. Ah oui. Si, des voix fin, moi. Des voix fin. Tu voudrais en faire? Quoi, non. Quoi? Tu demandes à tes parents. Tu dis quoi, Zinedine? Quoi, on en a fait, moi. Répète. Oui, de voir le ballon. Toi, tu vois le ballon? Oui. Tu vois le ballon. Ok. Bon, c'est bon pour le foot, alors? Oui, il voit le ballon. Eh ben, on va refaire une autre pause avec la chanson de Steven. Maître Gims. Et bien, ouvrir. Voilà. Moi, hier, aussi. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey! On y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Hey. Voilà la chanson de Steven. Content, Steven? Oui, c'est cool, musique, c'est grave. Elle était bien, sa musique? Oui. Oui? Ah oui, trop bien, oh là là. Corinne, elle était trop bien, la chanson de Steven. J'adore. Je l'adore. Moi aussi, je l'adore. Trop top. Je like. Tu veux bien enlever ton casque, Timothée? Merci. Voilà. Trop top. Donc, les petites infos de fin de semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe fin de semaine? Hein? À l'IME. Quand? Ah, il y a le parrainage vendredi. Voilà. Ah oui! Le collège du Vanier. Voilà. Vanier. Alors, le collège vient ou on y va? Ils viennent. Oui. Et alors, vous avez prévu des ateliers, des choses à faire? Oui, avec toi, t'as prévu. Bah non, moi, je ne serai pas. Je sais avec pas. Vous, dis, c'est vous. Quoi? Non. Oui, ce serait oui. Aïe, moi je et vous, Juliana? Je sais pas. Je sais pas. Moi c'est pas. Oui, Nicolas. C'est pas. Je sais pas. Je sais pas. Non. Ce sera ta première fois, toi? Non. Avec le collège de Vanier. Où est-ce que tu as déjà eu des rencontres? Mais il était pas venu l'année dernière au parrainage? Mais si, j'étais là. Si, t'étais là? Oui, j'étais là. Normalement, si demain je suis à Coralie, on doit préparer pour le parrainage. Si je suis à Coralie. Ah bah oui, c'est de la préparation, hein, quand même. C'est Nana Balou, c'est d'abord moi. Ah ouais. Et vendredi, il y a quoi aussi? Parrainage. Le Saint-Nicolas pour les tout-petits. Saint-Nicolas pour les tout-petits. Alors, ça veut dire que vous êtes grand. On n'ira pas. Alors, bah justement, moi j'aimerais bien votre avis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient aller voir Saint-Nicolas? Alors, je tiens quand même à vous dire que même si vous n'y allez pas, vous aurez votre sachet de Saint-Nicolas. Ah, c'est oui. Mais la question, c'est est-ce que vous souhaitez aller voir Saint-Nicolas? Pas moi. Pas moi, je trouve vraiment pour ça. Bah, on est déjà 4. Hein. Moi, j'ai 14 ans alors. Hein. Ben, c'est bien. On est 4. Vous souhaitez aller voir Saint-Nicolas? Oui. On sait tous, c'est un mec déguisé en fait. Hein. Et puis c'est pas le vrai Saint-Nicolas. On va le fouetter avec le père Fautor. Bon. On est 4. Bah, écoutez, ceux qui souhaitent aller le voir vendredi, bah, iront. Hein. Elle est choquée, Corinne. Bah non, je suis pas choquée. Bah, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui c'est qui a dit d'entrer, c'est pour les petits? C'est pour les petits, pour ceux de 6 ans. C'est... Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est votre choix. Hein. Respecte. Hein. On va pas se taper Saint-Nicolas. Hein. Bah, s'il te plaît, tu peux parler autrement. Là. Je le dirai. Ok. Parfois tard. Alors, on va rester décloté. À 6 heures, je vais vous donner un sac de bonbons, après on va partir. Voilà, ça ne dure pas longtemps. Ah bah non, ça ne durera pas longtemps, non. Un deuxième quart d'heure, ça sera fini. Nous des bonbons. Si, Émilie, il nous a dit qu'on irait tous au Saint-Nicolas, Émilie. Il a dit tout le monde ira. Oh tout le monde, tout l'IME ira, il a dit. Vous avez le choix. Ceux qui ne veulent pas, ils n'y vont pas. Moi, j'irai. Ah oui, j'ai compris, Juliana. Moi j'irai avec Juju. Et moi aussi j'irai. Et moi j'ai compris, hein, c'est pas Saint-Nicolas. Hein. Et toi, Adrien, tu iras voir Saint-Nicolas? Enfin, moi non, j'irai pas parce que je suis pas là. Vraiment. Ah bah voilà. Et toi, Corinne? Non. Et toi, Steven? Non, je suis pas là non plus. Et toi, Zinedine? Il est pas là. Et toi, Zinedine, tu iras voir Saint-Nicolas? Regardera ton sachet, Steven. Oui, promis. Hein? Moi j'ai pas envie d'aller le voir. Et Steven, si t'avais été là, est-ce que tu aurais souhaité aller le voir? Oui. Oui, ok. Et Axel, il nous a dit, quand on a parlé, qu'il a dit tout le monde, Axel, il a dit, la honte qu'on va avoir devant les collégiens. Pourquoi devant les collégiens? Ah! Quoi? Quoi, bah écoute, chacun pense ce qu'il veut. Pas grave. C'est Nicolas. De quoi, Juju? Alors, vous savez, il est 55. Hein? Attends, je te l'explique. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Pour spécial Noël. Ouais. Et moi, je suis pas là. Noël, voilà, parce que la semaine suivante, on ne viendra pas. Hein? Il y en a qui vont chanter. Voilà, donc comme je vous ai, écoutez, comme je vous avais demandé, hein, vous essayez d'apprendre un chant. Moi, j'apprends un chant. Pour le chanter. Moi, je l'apprends, même hier soir. On écoute tous les jours mon chant. Timothée, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la ritournelle de Saint-Nicolas? Ouais. Alors, on s'était, on écoute Timothée. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme une petite image. Ah, après, je sais plus. Là, c'est mais c'est bien, Timothée. Bravo, c'est bien. Merci, Timothée. De rien. Ben, écoutez, on va aussi remercier Nicolas et Adrien d'être venus avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci. Au sauté, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti pour cette première émission? C'était bien. Ça t'a plu, Nicolas? Oui, j'aurais bien y retourner. Oui, et toi, Adrien? Moi aussi, ça m'a plu de vous accompagner là ce matin. Ben, merci et à vous deux. Tu voudrais y tourner? Oui, pourquoi pas. Allez, au prochain. Vas-y. Nanon, il n'y a pas l'ombre. C'est gagné, j'ai tout. Hein. Merci, Timothée. Ben, écoutez, on va remercier tout le monde. Merci. Merci d'avoir suivi. Merci. Apparemment, la chanson Mystère n'a pas fait écho ce matin. C'est une chanson jeune en plus. C'est qui avait choisi? C'était une chanson c'est jeune. Nicolas. C'est mon CD. Allez, tu vois, alors, même les chansons de jeunes, Christopher, c'est pas toujours évident, hein, quand même. Hein? Allez, on salue tout le monde et on dit à la semaine prochaine sans crier. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Journée. Au revoir. Non, vous restez assis. Merci. C'est la tête. La petite Noé veut plus parler. La Mikao, ma Mikao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Cacao. Monsieur Hannibal me mine le moral. Cacao. Mamselle son long me traite de con. La picaouette me fait la tête. Cacahuète. Mamselle Jibi me traite d'abruti. Cacahuète. La picouchou me jette des cailloux. Mamselle Binet, c'est de Binet. Cabinet. Le petit Mambert me jette des pierres. Cabinet. Mamselle Lamarde, moi en avant.